L'affaire du coffret, troisième. نادي اختفت كما اختفت ذاكرتي وعلبة مجوهرات جورج ساند. لأستمع إلى هذه التسجيلات الغريبة، ربما أجد فيها دلائل أخرى. Ma boulangerie. مخبز. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des tagada. Bonjour Nadia. Qu'est-ce que c'est? Un microphone? يبدو أن الخبازة تعرفها. ولكن ماذا تسألها؟ Vous faites un reportage? C'est pour mes souvenirs du quartier. Qu'est-ce que c'est? هذا سؤال. لنرى ماذا يقول حاسوبي. Qu'est-ce que c'est يعني ما هذا؟ ولكن ريبورتاج تحقيق صحفي. دي سوفونير. حسنا، نادية تسجل أصوات المخبز. سألتها الخبازة كيسكو سي، ما هذه؟ دي سوفونير. إذن هذه التسجيلات ستكون ذكريات صوتية. Et des tagada pour la petite. Le goûter, Linara. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper. Le goûter, تكون بعد الغداء. Le déjeuner, وقبل العشاء. Le dîner. من الممكن أن تكون تلك النقرشة خلال فترة ما بعد الظهر. بدأت أشعر بالجوع أنا أيضا. سأتجه نحو المخبز. Bonjour monsieur Lucas. Alors vous êtes seul? Pardon. Seul? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes seul, pas de Nadia. Oui, seul. Nadia? Nadia, partie. C'est dommage. Vous avez faim? Oui, faim. Non, c'est j'ai faim. Vous avez faim. Il faut goûter. Vous voulez quoi? Un pain aux amandes, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, une tartelette? Un pain au chocolat, s'il vous plaît. Tenez, ça fait 1,20€. Avec 80, ça fait 2 euros. Allez, bonne journée. إذن الخبازة تعرفني. Bonjour monsieur Lucas. Alors vous êtes seul? Pas de Nadia. نعم، جئت وحدي. نادية رحلت. Nadia partie. C'est dommage. وأنا لا أحب الخبز بالشوكولاتة. دهشت الخبازة لرؤيتي وحدي دون نادية. هل اعتادت أن ترانا معا؟ À suivre.